Bien, nous pouvons maintenant passer à une autre transformation. Actually, en fait, c'est l'une des préférées de Michel Thomas. Quand un mot français finit en R, A-I-R-E, son English equivalent finit en A-R-Y, qu'on prononce hurry, comme dans le mot vocabulary. Voici une fois de plus une transformation particulièrement utile pour enrichir votre English vocabulary. Bon, alors commençons. Comment direz-vous « je ne pensais pas que c'était nécessaire » ? I didn't think that it was necessary. Oui, I did not think ou I didn't think that it was necessary. Ou, si vous omettez le that, I didn't think it was necessary. Ok, prenons un autre exemple. Comme vous aviez peut-être appris avec Michel Thomas qu'en anglais, au contraire, se dit on the contrary, littéralement sur le contraire, on the contrary. Alors, comment direz-vous ce n'est pas ordinaire, au contraire, c'est extraordinaire. It's not ordinary. On the contrary, it's extraordinary. Donc, grâce à notre précieuse transformation des mots en R en mots en hurry, pas de problème pour traduire cette phrase. Il vous suffit d'être bien attentif à la prononciation. It's not ordinary. On the contrary, it's extraordinary. Est-ce que vous pourriez répéter cette phrase? It's not ordinary. On the contrary, it's extraordinary. Good. It's not ordinary. On the contrary, it's extraordinary. Et toujours à l'aide de notre transformation, comment direz-vous secrétaire? Secretary. Secretary. Oui. Notez bien la prononciation. Secretary. Bon, à ce stade, nous avons atteint notre objectif principal. Our principal objective, qui est d'apprendre de nouvelles transformations. Mais avant d'en apprendre d'autres, je voudrais faire une observation, an observation. Alors si comme se dit as, as, et à la retraite ou retraité se dit retired, R-E-T-I-R-E-D, littéralement retiré, retired, comment direz-vous, elle travaillait comme secrétaire, mais elle est maintenant à la retraite. Et c'est là que j'en arrive à mon observation. Sachez qu'en anglais, on emploie « a » ou « un » avant les noms de profession. Donc on dira « elle travaillait comme une secrétaire ». Comme une secrétaire et non comme secrétaire. Alors je vous écoute. She worked as a secretary. She worked as a secretary. Mais elle est maintenant à la retraite, littéralement retirée. But she is now retired. C'est ça. But she is now retired. Alors, si on reprend la phrase en entier, comment direz-vous encore une fois, elle travaillait comme secrétaire, mais elle est maintenant à la retraite. She worked as a secretary, but she is now retired. She worked as a secretary, but she is now retired. Bien. Et de la même manière qu'on dit she worked as a secretary, comment dira-t-on « il travaillait comme médecin » ? Alors, médecin se dit tout simplement « doctor », D-O-C-T-O-R, comme le mot « docteur » en français. Alors, il travaillait comme médecin. He worked as a doctor. He worked as a doctor. On pourrait aussi dire plus simplement « il était médecin », « il était docteur ». Donc, en anglais, « il était un docteur », c'est-à-dire… He was a doctor. He was a doctor. Donc là encore, on emploie a avant le nom de la profession.